One, two, three. C'est de la peau jusqu'à l'âme. J'ai voulu être chaud, tantôt tendresse et tantôt flamme. Mes amis étaient si gros, je me suis senti flou. À tenter d'être tout, je me suis trouvé faux. J'ai voulu être beau. J'ai voulu être bon, aussi bienveillant que doué, vaillant tel un bel étalon. J'avais qu'imité ce cliché, j'ai voulu être bon. Que le chemin. Hey, j'ai voulu être joie, tant dans le fruit que ses pépins. Mais à trop la forcer, je crois je l'ai froissé. Attends, la chercher, je me suis égaré. J'ai voulu être voix, j'ai voulu être fin, tout aussi faible que malin. Confiant en toi et puis en moi, d'une tranquillité si pure que seule la paix fait le poids. Mis à tout ravaler, je me suis saturé à ne pas m'assumer. Je ne fais que blesser. J'ai voulu être sûr. Enfin, j'ai voulu briller.